Je peux te jurer que toutes les histoires que tu as pu entendre sur ce type ont été édulcorées. Une fois, il a tué trois hommes dans un bar avec... Avec un crayon, oui, j'ai déjà entendu cette histoire. Avec un putain de crayon. Mais qui est-ce qui fait ça? Ça joue les fous sur les réseaux parce que t'as une grosse commune. Me tenir tête, c'est réserver sa place au fond d'une fausse commune. Ciao. Ça se voit dans le 10 ans d'âge, t'es mal à mise en page. Ça prend des risques en marge avant de finir en cash. Pour que tout se taise, l'arrogance est pratique. Dans ce monde, tout se paye et la violence est gratuite. Si c'est le début de la fin, bah j'ai créé la suite. Dans ce monde, être à la masse, c'est préférer la suivre. Pour moi, ça roule comme une cape éventrée. Dur troquer la vie à plein danger, des pâtes édentées. Mais d'entrée, je t'annonce que je remets la sauce. Parce que le rap actuel a moins de fond que du René la taupe. Y'a des crochets qui te sautent et ils font des petits sommes. Tu sais, y'a mon projet qui sort au prochain épisode. Des rimes qui claquent, ah, deviens sourd l'ami. On m'a dit ne fais pas de vagues, j'ai fait un tsunami. La balle est dans le Paris et alors comprends que je tire. Je manque pas d'air même si j'ai les poumons de Constantine. Écoute bien, tu finis par admettre que la punchline se compose d'un facteur que j'applique à la lettre. Là je passe à l'offensive, marre des âmes trop sensibles. Mes vertes arrosent en lit chaque fois que je pose sans filtre. On se bat une vie pour être libre comme l'air. Ma plume n'a pas de chaîne et se sent libre comme l'art. Là je passe à l'offensive, marre des âmes trop sensibles. Mes vertes arrosent en lit chaque fois que je pose sans filtre. On se bat une vie pour être libre comme l'air. Ma plume n'a pas de chaîne et se sent libre j'ai comme l'art. J'ai la méthode, ça fait 10 piges que mes mots cognent, que tout niquer. C'est le protocole en autoprod, en poteau proche. Viens pécho mes albums, telle une barrette qui sort du fond du four. Mais ce projet c'est de l'amertume remis au goût du jour. Vauche mic, je m'en tape, j'ai la manière de les faire taire rapide. Quand je trace, il flash la voiture de derrière. Je m'active, certains se disent il est trop bon ce garçon. Je suis insolent, pire qu'une bicyclette dans les prolongations. Dehors ça se bute, on voit des hommes, des femmes se donner corps et âme pour de l'or, des faffes. C'est le coin de nos rues que décore les flammes. Ça confirme que l'amour est un trésor très rare. Tu te crois sur le droit chemin, mais t'es hors des rails. Tu traînes ta galère comme une énorme médaille. Comment finir sur une bonne note quand le ténor déraille? Ne pas finir au bord du gouffre, mais au bord des vagues. C'est ça la vie, y'a ceux qui s'en sortent, ceux qui mangent des coups. Fais gaffe à ne pas perdre le fil, à vouloir en découdre. T'es dans la cour des grands, t'entends ma voix quand je sors le pic. Tu te sens pas dans les temps parce que mon flow t'envoie sur orbite. Là je passe à l'offensive, marre des âmes trop sensibles. Mes vertes arrosent en lit chaque fois que je pose sans filtre. On se bat une vie pour être libre comme l'air. Ma plume n'a pas de chaîne et se sent libre comme l'art. Là je passe à l'offensive, marre des âmes trop sensibles. Mes vertes arrosent en lit chaque fois que je pose sans filtre. On se bat une vie pour être libre comme l'air. Ma plume n'a pas de chaîne et se sent libre comme l'art.